franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le mouvement poujadiste. Poujadisme, ils sont peu nombreux, les hommes ou femmes politiques, à voir leur nom, leur politique ou leur style ainsi qualifié. Car on se sert aujourd'hui de cet adjectif plutôt péjoratif pour qualifier tout mouvement, discours ou programme politique à tendance corporatiste et conservatrice, voire réactionnaire. En tout cas, rien ne prédestinait Pierre Poujade, ce jeune papetier de Saint-Céré, à devenir une telle figure. Alors, comment expliquer que la révolte antifiscale d'une poignée de petits commerçants et artisans lancée en 1953 soit devenue en quelques années un mouvement politique à l'échelle nationale ? S'agit-il d'un combat social d'arrière-garde, d'un mouvement politique précurseur ou d'une nouvelle manière de parler au peuple ? De quoi Pierre Poujade est-il vraiment le nom ? Pour comprendre ce mouvement complexe, mouvant et protéiforme, qui passe sans cesse du social au politique et aussi entre populisme et fascisme, qui porte haut la voix de l'antiparlementarisme, qui flirte enfin avec le racisme et l'antisémitisme, il faut revenir aux raisons de son surgissement et de son succès. Une chronique qui nous plonge au cœur des difficultés de la 4ème République, tiraillée entre les crises parlementaires et la décolonisation, dans une France qui avance à grands pas vers la modernité. Le mouvement Poujade et ses héritages d'hier à aujourd'hui, nous y reviendrons en seconde partie d'émission avec notre invité Jean-Pierre Rioux, historien spécialiste de la politique contemporaine et de la droite. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 21 juillet 1953, Saint-Céré dans le Lot. Ce jour-là, la petite ville, son architecture médiévale tout en pierre et colombage, sa jolie place du Mercadial et ses 3000 âmes, sont le théâtre d'une agitation inhabituelle. La veille, Pierre Poujade, papetier libraire de la commune et conseiller municipal, est prévenu par un collègue de la mairie qu'un contrôle des agents fiscaux doit avoir lieu dans quelques ateliers de la ville. Ni une ni deux, au son du tambour, il réunit tous les commerçants et artisans de la commune pour qu'ils s'opposent ensemble à ce contrôle. Pour Pierre Poujade, Saint-Céré, c'est la ville d'une vie. Il y est né il y a 32 ans, puis revenu après la guerre pour installer son commerce, fils d'un architecte trop tôt disparu, apprenti typographe, Pierre Poujade quitte rapidement l'école et gagne sa vie au rythme des petits boulots, docker, goudronneur. Pendant la guerre, il suit un temps les Compagnons de France, le mouvement de jeunesse pétainiste, avant de rejoindre la France libre et la résistance à Alger en 1943. Comme pour des milliers de Français, pour Pierre Poujade, l'après-guerre, c'est le temps de l'espoir, mais aussi des rancœurs. Avec la pénurie, les commerces de détail se multiplient et le nouveau libraire en profite. Dans son esprit, ouvrir son petit commerce de papeterie, c'est être indépendant et libre, loin du servile salariat des ouvriers ou des fonctionnaires. C'est accéder à cette promesse républicaine de la propriété individuelle émancipatrice. Enfin, il le pense comme ça. Seulement voilà, 8 ans après la libération, la France change. Les prémices de la modernisation arrivent au rythme des plans de la 4ème République. Urbanisation, forte croissance du salariat, rationalisation des modes de production, autant d'évolutions qui menace les petits commerçants traditionnels, et donc Pierre Poujade. Ce dernier voit le phénomène de près avec ses magasins à succursales multiples qui annoncent pour bientôt l'arrivée de supermarchés qui pénalisent son métier. Pierre Poujade le sent, lui qui a du mal à joindre les deux bouts alors qu'il travaille d'arrache-pied, la conjoncture pour son secteur n'est pas bonne et l'État ne fait rien pour arranger les choses. Pour preuve, un an plus tôt, Antoine Pinet, le président du Conseil, a même décidé de bloquer l'inflation. Une mesure qui s'ajoute à la hausse de l'impôt pour les commerçants et que l'État, depuis quelques années, a décidé de faire appliquer avec ses fameux agents polyvalents. Il n'en faut pas plus au jeune Pierre Poujade, symbole d'une catégorie menacée pour prendre des airs de mandrin des années 50 face à ce qu'il qualifie de gestapo fiscal. C'est ainsi que ce 21 juillet 1953, dans la commune de Saint-Céré, à l'arrivée des fonctionnaires du fisc, une vingtaine de commerçants les attendent de pied ferme, bloquent l'accès des boutiques et empêchent les contrôles. Les fonctionnaires partent penauds. Pierre Poujade, lui, fait son entrée en scène et le poujadisme écrit son mythe fondateur. Pierre Poujade, d'apparence, est le type même du français moyen. Brun, avec des yeux clairs, il a 34 ans, une famille et 4 enfants. Il parle d'abondance, avec de la bonne volonté et de la maladresse. Il fait son apprentissage de démagogue. Les mots de liberté, de fraternité, de patrimoine, de maire de France ponctuent ses propos. Et les gens rassemblés sous sa bannière l'écoutent comme un sauveur. Si chez nous, un brave artisan communiste est inscrit à l'Union, si chez nous, un brave commerçant RPF est inscrit à l'Union, et que tous les deux se retrouvent devant le contrôleur ou le percepteur, ce n'est pas un communiste ni un RPF, ce sont deux tendus. Ce n'est qu'au début de l'année 1955, un an et demi après la révolte de Saint-Céré, que la télévision, la radio et les grands quotidiens nationaux se saisissent du cas Poujade. Car au moment de la révolte, la 4ème République rencontre des troubles bien plus graves. On compte déjà 42 jours de crise ministérielle, il a fallu pas moins de 13 tours au Parlement pour élire René Coty à la présidence de la République, les difficultés coloniales en Indochine, en Algérie qui s'accumulent, et au mois d'août 1953, une vague de grève paralyse la France. De Saint-Céré, en ce 21 juillet 1953, Pierre Poujade lance son mouvement antifiscal. D'abord, souterrain, l'extension est rapide, en tache d'huile, département par département. Un commerçant est menacé d'un contrôle, alors on prend la voiture, on se rassemble, on bloque la visite du fonctionnaire. Puis, on organise une réunion publique et on crée une union locale. À partir du Lot, c'est bientôt toute la France du Sud et des petits commerçants qui rejoignent le mouvement de Pierre Poujade. L'homme a pour lui un verbe haut et fort, le sens de la formule et de la mise en scène. Il renvoie cette image de ceux qui ne trichent pas et savent de quoi ils parlent. Bref, Poujade fascine et incarne à lui seul le ras-le-bol de toute une corporation. De l'été 1953 à l'été 1954, le mouvement se structure. Création le 29 novembre 1953 de l'Union de défense des commerçants et artisans. Création d'un journal, l'Union. Création de comités locaux et d'unions départementales. Rédaction d'un programme. Élection de Pierre Poujade au poste de président. Pendant ce temps, pour le pouvoir, les difficultés continuent. Le 14 juin 1954, une nouvelle crise ministérielle provoque la chute du gouvernement Laniel et la nomination de Pierre Mendès France. Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur de me demander d'essayer de constituer le nouveau gouvernement. J'ai accepté cette mission. Je vais me rendre auprès de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et auprès de Monsieur le Président du Conseil de la République. À l'issue de cette conversation, je me propose de vous donner des indications plus complètes sur mes intentions. Merci, Monsieur le Président. En à peine 2 ans, l'UDCA de Pierre Poujade devient un mouvement de masse. Aux petits commerçants et artisans, elle s'étend désormais aux paysans. Malgré tout, l'aventure rencontre quelques embûches. À l'automne 1954, pour le premier grand congrès national du mouvement à Alger, Pierre Poujade doit faire face à quelques mécontents, notamment certains élus du Parti communiste, d'abord séduits, c'est vrai, puis déçus par la gestion du président qui s'arrange d'ailleurs pour les exclure. Poujade s'appuie sur ses succès, notamment lors des élections aux chambres de commerce où l'UCDA fait une véritable percée. À cette occasion, elle bat de nombreux candidats ensaucissonnés, comme les appelle Poujade, ces membres de syndicats implantés qui défendent leurs privilèges. La multiplication des incidents et la violence accrue des actions obligent les préfets à suspendre les contrôles dans certains départements. Une décision qui sert le mouvement, bien sûr, voilà la preuve concrète de son efficacité. Face à cette colère qui monte, le gouvernement de Pierre Mendès France prend les devants. Il faut d'abord commencer à surveiller de près ce Pierre Poujade. Alors on place des micros chez lui et un fonctionnaire des renseignements généraux infiltre le mouvement. Ensuite, la Chambre des députés vote le 14 août 1954 l'amendement Doré-Ulver, des députés du même nom, qui dote l'État de moyens dissuasifs contre l'opposition fiscale. Majoration à 100% en cas d'opposition et peine de prison. Très vite, Pierre Mendès France devient l'ennemi privilégié de Poujade, la cible. Il ne perd pas une occasion dans ses discours, dans ses meetings, de s'attaquer au président radical. Les mesures contre l'alcoolisme, notamment donc contre les cafetiers et les viticulteurs, sont très mal perçues par les poujadistes. Dans cet affrontement ciblé, les déclarations de Poujade et de certains de ses soutiens flirtent avec le racisme et sont parfois tout ouvertement antisémites. Face à ces critiques, Pierre Poujade réplique. Nous ouvrons nos portes et nous ouvrons nos bras à qui que ce soit, qu'il soit de n'importe quelle couleur ou qu'il soit de n'importe quelle religion. Nous acceptons tout le monde pour venir chez nous travailler et vivre. Donc nous ne pouvons pas être ce que l'on appelle des racistes. Mais maintenant, il ne faut pas confondre racisme et patriotisme. N'est-ce pas? Parce que moi, le racisme, je ne suis pas raciste, mais seulement je suis patriote. C'est-à-dire que lorsque M. Hulvert aura fait des petits Hulverts en France, qu'ils auront travaillé, qu'ils auront souffert, qu'ils auront fait comme tous les petits Poujades, qu'ils auront versé leur sang comme les petits Poujades, chaque fois qu'il faudra réparer les bêtises que tous les Hulverts et les Mendès auront fait au Palais Bourbon, et que l'on envoie les petits Poujades, les petits Dupont, les petits Durand pour se faire casser la gueule à la place des autres. Eh bien, quand les petits Hulverts auront fait exactement comme les petits Poujades, ils auront exactement les mêmes droits, mais pas avant. À l'image de son logo, le coq gaulois qui pose un pied sur Saint-Céré, le mouvement de Pierre Poujade ne demande qu'à s'étendre. Corollaire de cette extension géographique, les objectifs du mouvement s'élargissent. Il n'est plus seulement question de revendication fiscale, non, désormais, les thèmes sont aussi politiques, et toujours selon la même logique, simple, efficace, celle des petits contre les gros. Les petits, ce sont tous ces Poujades, ces laissés pour compte, qui travaillent durement, prennent tous les risques, puisqu'ils sont indépendants et ne sont pas récompensés. Et la formule devient programme. Le peuple contre les nantis, les commerçants contre les fonctionnaires, les sans-grades contre les corrompus, les travailleurs contre les feignants, les gens simples contre les parlementaires, les intellectuels et autres polytechniciens, enfin, la province contre Paris. On n'est pas loin de la France qui se lève tôt, comme le dira plus tard un certain Nicolas Sarkozy. Prochaine étape, Paris. Poujade le sait, pour être un acteur qui compte, la scène, c'est la capitale. La date est fixée au 24 janvier 1955. Le lieu, le parc des Expos. Ce jour-là, au petit matin, des cars entiers déversent plus de 120 000 militants poujadistes venus de toute la France, portant des calicots estampillés à l'assaut de la liberté. Et cette fois, les journalistes sont présents. Il y a une armée de photographes, des cris partout, des gens absolument exaltés, sur des chaises partout, et le silence ne peut se faire qu'au moment même où Pierre Poujade monte en chaire et va prononcer la deuxième partie de son allocution. Ce que vous devez au mouvement de Saint-Céré, c'est qu'il vous a prouvé, que l'union était possible, car si nous l'avions réalisé dans un petit pays, c'était possible de le réaliser ailleurs. Voyez ce qui se passait à côté. Dites de moi, je suis le copain du conseiller général, qui est le copain du sénateur, le quel sénateur est le copain du ministre. Moi, j'essaierai de me débrouiller, puis tant pis pour l'ordre s'il en fait. Le meeting est un succès. Dans toute la France, d'autres rassemblements font écho à la démonstration parisienne. 2500 personnes à Montpellier, 2000 à Béziers, 1700 à Nîmes. Au cours du meeting parisien, Poujade lance un appel à la grève générale de l'impôt. Dans la foulée, le leader et les principaux membres de l'UDCA sont reçus par les différents groupes parlementaires. Face à l'ampleur de l'événement, ces derniers se décident enfin à écouter cette colère qui monte. Au début du mois de février 1955, une nouvelle crise ministérielle provoque la chute du gouvernement de Pierre Mendès France, confronté au problème en Afrique du Nord, 7 mois seulement après sa mise en place. Edgar Faure est chargé de prendre la relève. Poujade, lui, continue. Pourtant, les députés se montrent à l'écoute des doléances de son mouvement. Ils proposent de débattre de l'amendement d'Henri Hulvert qui cristallise la lutte. Mais la rhétorique poujadiste exclut tout compromis, tout dialogue. Elle se nourrit du rapport de force avec en ligne de mire le Palais Bourbon, comme il l'explique à ses militants. Si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas d'objection majeure, il suffit de demander à nos amis du Parlement quel est le règlement, comment ils vont faire, et nous vous dirons comment ils vont faire légalement pour le réaliser, pour que le maximum d'entre vous aient bien vous preniez les 2 ou 3 heures, n'est-ce pas, qu'il faudra pour aller dans les gravés du Palais Bourbon. Là-haut, n'est-ce pas, simplement, et pour marquer que vous êtes là. Vous les regardez en bas. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça les gêne. Le 18 mars 1955, Pierre Poujade et une vingtaine de ses militants occupent les tribunes de l'Assemblée. D'en bas, les députés assistent à l'insolite spectacle d'un Poujade qui ôte sa veste, retrousse ses manches et harangue les parlementaires en plein débat. La nouvelle démonstration de force n'est pas sans effet, puisque le député vote dans la foulée l'abrogation de l'amendement d'Aurélie Vert. Il s'engage aussi à une réforme fiscale pour ménager les petites entreprises. Promesse sans effet, estime l'UDCA, et au passage, un témoignage supplémentaire des difficultés du régime parlementaire, parce qu'il est le plus démocratique de tous, donc le plus inconfortable. Pour autant, à aucun moment le mouvement poujadiste ne cherche à renverser la République, à aucun moment il ne souhaite provoquer un vaste mouvement insurrectionnel. Il n'en reste pas moins qu'en 2 ans, la révolte antifiscale et l'esprit de clocher des boutiquiers de Saint-Céré sont devenus un vaste mouvement social et politique qui séduit tous les mécontents et fait de l'antiparlementarisme son cheval de bataille. Après avoir envahi les tribunes de l'Assemblée, il ne reste plus qu'à les conquérir. Ce sera l'apogée de Poujade, mais aussi sa perte. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Vous savez donc que le Conseil des ministres a estimé devoir faire jouer l'application de l'article 51 de la Constitution, dans les conditions desquelles il se trouvait d'ailleurs placé. En conséquence, il a pris une décision concernant la dissolution de l'Assemblée nationale en conformité de ce texte. Le 2 décembre 1955, Edgar Faure, président du Conseil depuis moins d'un an, annonce la dissolution de l'Assemblée et la tenue de nouvelles élections pour le début du mois de janvier 1956. Une décision qui arrive à point nommé pour Pierre Poujade et son mouvement. Où en est-il d'ailleurs ce mouvement depuis sa spectaculaire irruption au cœur du Palais Bourbon en mars 1955 et la suppression de l'amendement d'Auré-Ulvert, objet officiel du combat ? Eh bien, il est en pause. Après 2 ans et demi de mobilisation et de combat, le bilan est d'ailleurs assez positif. Des centaines de milliers de militants, des élus aux chambres de commerce, des victoires politiques avec limitation de l'activité des polyvalents et contrôleurs fiscaux ONI, la garantie d'être protégé contre certains contrôles abusifs, justement des amendes plus légères, bref, le mouvement Poujade a été entendu. Oui, mais voilà, dans un mouvement, l'élan appelle l'ambition. C'est ainsi. Et Pierre Poujade ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis ses débuts, les revendications se sont élargies, elles se sont politisées. Et les structures de l'Union suivent cette orientation avec la mise en place des unions parallèles, organisations qui visent à rassembler l'ensemble de la population sur des bases corporatives et à préparer les fameux états généraux, réplique de 1789, qu'appelle de ses voeux Pierre Poujade. Un nouveau journal, Fraternité Française, à la teneur là aussi plus politique, est créé. Et en décembre 1955, Poujade décide de se lancer dans la conquête de l'Assemblée. Français, mon ami, les candidats que je te présente sont des inconnus du grand public. C'est une raison supplémentaire pour que tu puisses leur faire confiance. Quelle que soit leur classe sociale, ce sont des travailleurs comme toi. Et en votant pour eux, c'est un peu pour toi. Et c'est un peu de toi que tu mandateras. Certains te diront qu'une fois élus, ils feront comme les autres. Je puis t'affirmer solennellement qu'ils ne feront pas comme les autres, parce qu'ils ne pourront pas faire comme les autres. Tu le sais, en plus de toutes les garanties morales que nous avons prises, s'ils trahissent leurs engagements, je ne trahirai pas moi le mien, ils seront pendus. Français, vous vouliez du neuf et du nouveau ? En voilà. Cette revendication de la simplicité des candidats est une manière de contourner une position difficile à tenir. Comment expliquer en effet que ceux qui dénoncent le système décident désormais d'y participer ? Comment faire le jeu politique quand on vante son apolitisme ? D'ailleurs, au sein même du mouvement, cette stratégie ne va pas de soi. La politisation opérée par Poujade et les leaders du mouvement provoque de nombreuses critiques et des départs. La violence de certaines actions, comme les émeutes de Chartres et La Rochelle au mois de septembre 1955, aboutissent à des fractures entre modérés et activistes. La grande grève générale de l'impôt, lancée en fanfare au début de l'année 55 par Pierre Poujade dans son grand meeting parisien, est un échec, signe que nombre de petits commerçants et artisans ne sont pas prêts à franchir le pas de l'illégalité. Pour Pierre Poujade, participer à l'épreuve électorale, c'est aussi une manière de surmonter le manque d'expertise et de consistance du mouvement. Car derrière la violence verbale, l'UCDA est rarement force de proposition. Alors, une campagne courte et un slogan simple, « Sortez les sortants », permettent de surmonter cette difficulté. Poujade ne se présente pas, mais il fait campagne. Ses meetings sont ceux qui rassemblent le plus de personnes. Il remplit les arènes de Nîmes, rassemble 20 000 personnes à Bordeaux. L'Union des Fraternités Françaises, bannière qui rassemble les candidats poujadistes, est peu relayée par la presse. C'est donc le bouche-à-oreille qui fait office de moyen de communication. Ce sont les commerçants itinérants qui, dans leurs déplacements, diffusent la parole poujadiste. Pour la plupart, les candidats sont inconnus du grand public. Parmi eux, notamment, un certain Jean-Marie Le Pen. À la tête de l'Union parallèle des jeunes, il se présente à Paris. Françaises et Françaises de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. Depuis 10 ans, vous vous taisez. Les vieux bonzes de la politique, qui ces derniers jours lançaient des appels larmoyants à la jeunesse de France, feignent hypocritement de regretter son silence. Ils font semblant de déplorer la désaffection des jeunes en face de la chose publique. Au fond d'eux-mêmes, ils s'en réjouissent. Ils font passer votre silence pour une approbation tacite de leurs crimes. Ce qu'ils ignorent, ces mentors de la jeunesse que sont les Pinet, les Queuille, les Daladier, les Hériot, les Mauriac, c'est que votre silence est lourd de mépris. Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit, par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune. Le 2 janvier 1956, les résultats des élections tombent et la surprise est totale. 52 candidats poujadistes sont élus. La percée est inédite, incroyable. Plus de 12% des votants, 2 400 000 voix. En France et à l'étranger, c'est un tremblement de terre. Et les comparaisons avec Hitler et la conquête du Reichstag du Parti National Socialiste sont nombreuses. En France, observateurs et politiciens parlent désormais de fascisme pour qualifier le poujadisme. Devant ce genre de bêtises, Poujade, lui, savoure sa victoire. Si nous sommes descendus dans l'arène électorale, c'est pas de gaieté de cœur, ça ne nous intéresse pas du tout, mais alors absolument pas. Mais nous y sommes rentrés parce qu'il fallait que nous y rentrions, parce que nous ne pouvions pas avoir confiance en la parole de gens qui nous avaient trahis aussi longtemps que ceux qui se présentaient en face de nous. Et nous vous avons fait, non pas des promesses, mais nous vous avons dit, voilà ce que nous ferons, voilà ce que nous sommes en train de faire. Certains nous ont cru, nous ont fait confiance, plus de 2 600 000. Eh bien, nous disons maintenant, est-ce que nous n'avons pas tenu nos promesses? Je vous ai dit, nous rentrerons au Palais Bourbon, nous secourons le cocotier. Est-ce que nous ne l'avons pas secoué, le cocotier? Après la conquête, vient le temps des défis. L'entrée au Palais Bourbon des élus poujadistes amorce une radicalisation des positions. Alors qu'ils prennent place en haut, au-dessus des autres députés, tout près de l'issue de secours, les élus de l'Union des Fraternités Françaises produisent des discours de plus en plus extrémistes de droite. Ce raidissement des positions est aussi favorisé par l'invalidation de 11 élus poujadistes. Ils ne sont plus que 41, preuve pour eux de l'existence d'un complot du régime actuel. En vérité, le mouvement Poujade passe difficilement l'épreuve parlementaire. Son leader, toujours à la tête de l'UDCA, l'extérieur, ne parvient pas à tenir ses troupes hétéroclites au sein du Palais Bourbon. Alors, très rapidement, des dissensions apparaissent. Elles sont révélées au grand jour, à l'automne 1956, lorsque Guy Mollet, le nouveau président du Conseil, annonce l'expédition du canal de Suez. Le gouvernement français et le gouvernement britannique estiment que le refus du colonel Nasser met chaque pays dans l'obligation de prendre lui-même les mesures de nature à assurer le plein exercice des droits qui découlent pour lui de la Convention de 1888 sur le libre transit dans le canal. Il est bien clair que ces droits ne pourraient être commodément sauvegardés si chacun devait agir isolément. Nous avons donc décidé de constituer, entre les pays usagers du canal, une association coopérative chargée d'exercer au nom de ses membres, les droits qui découlent pour eux de la Convention de 1890. La logique voudrait que Pierre Poujade soutienne cette initiative. Depuis plusieurs années déjà, en effet, la défense de l'Empire français, notamment pour l'Algérie, est l'une des pierres angulaires de son mouvement. Mais contre toute attente, le leader du LDCA impose à ses représentants du Palais Bourbon de voter contre. Oui, car il voit dans la décision de Guy Mollet une soumission à la reine d'Angleterre, qui va à l'encontre des intérêts français. En tout cas, telle est sa représentation mentale. Pourtant, se disent les députés poujadistes, c'est bien lui qui depuis des mois appelle à une politique de fermeté contre les volontés indépendantistes de Nasser. Ainsi, 4 d'entre eux désobéissent à la consigne, pendant que 7 autres ne prennent pas part au vote. La première rupture entre l'UDCA et sa représentation politique est consommée. Les élus rebelles sont exclus du rassemblement de Fraternité française. Peu de temps après, d'autres députés comme Tixier-Vinancourt ou Le Pen décident aussi de se désolidariser du mouvement poujadiste. Pierre Poujade sent bien que son aventure s'essouffle. Pendant l'été, sa traditionnelle tournée en France et ses meetings ont rassemblé moins de personnes que les années précédentes. L'appel à la journée de barrage contre les vignettes automobiles en novembre 1956 n'a pas eu l'impact escompté. Le grand rendez-vous d'octobre, cette immense manifestation prévue dans les rues de la capitale et les grandes villes du pays est sans cesse ajournée et finalement n'aura pas lieu. La conjoncture également joue contre lui. À partir de 1957, l'inflation reprend et la situation des petits commerçants et artisans, base du mouvement, s'améliore mécaniquement. Conjoncture politique aussi. En 1958, le retour du général de Gaulle et l'effondrement de la 4ème République marquent le point d'arrêt du mouvement poujadiste. D'ailleurs, Pierre Poujade appelle à voter contre le référendum du 28 septembre 1958 pour la constitution de la 5ème République. J'affirme que je voterai non au référendum. Je le ferai en tant que patriote, car cette constitution sera la légalisation de tous les abandons. La 4ème République avait fait du détail, la 5ème liquidera en gros tout ce qui reste de notre patrimoine. Aussi grand soit-il, Nul n'avait le droit de proposer l'indépendance à notre empire avant que le peuple ne se soit clairement exprimé. Il est invraisemblable que la Constitution, qui sera le cadre de notre vie nationale de demain, puisse être acquise par les voix des peuplades illettrées ou cannibales qui disposeront de la même représentation que les Auvergnats moyens. Après nous avoir imposé cette Constitution, ces mêmes peuplades pourront exiger leur indépendance, pire même, leur autonomie. À ceux qui pensent qu'une fois la Constitution votée, tant bien que mal, le général de Gaulle mettra de l'ordre, je dis tout de suite qu'ils se font de douces illusions. Ils pratiquent la politique de l'autruche, le réveil sera brutal. Les élections législatives de novembre 1958 confirment le déclin du poujadisme. Pourtant, les gaullistes réalisent sa promesse, ils ont sorti les sortants. Mais le mouvement poujade se délite, une partie des militants entre dans la clandestinité, se rapproche de l'OAS et réoriente leur lutte autour de la défense de l'Algérie française et contre l'État gaulliste. De son côté, Pierre Poujade se retire en janvier 1958 de son poste de conseiller municipal de Saint-Céré, là où tout avait commencé. Le tribun et leader charismatique se moule petit à petit dans les nouveaux costumes de la Ve République. Oh, il continue à être un acteur important des chambres de commerce, se lance dans le monde des affaires et survient de temps à autre au cœur de l'actualité politique pour apporter son soutien à tel ou tel candidat. Quelque part, l'avènement du général est un symbole éclatant de ce qu'est devenu le poujadisme. Les partis, les hommes, les discours se sont poujadisés. Ce mouvement reste en tout cas le dernier soubresaut, la dernière lutte d'une France traditionnelle confrontée à la modernité, d'une France d'avant-guerre, de la petite boutique et de l'échoppe qui deviendra bientôt celle des techniciens et des supermarchés. Le poujadisme, c'est le dernier souffle d'un monde d'hier confronté à celui de demain. Dans mon usine de puteaux, on peut dire que j'ai le fin boulot. Ça fait bien 365 jours de long que je vise toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter hilé, hilé, hilé, hilé. Dès que j'ai ma petite heure de liberté, hilé, hilé, hilé, hilé. Je vais tout droit à Luna Park, dans le jour cru des lampes arc. Sur la chenille, je vois les filles, je vois les filles, et leurs dessous en soie, en fil ou en pilou, et le pick-up chante comme moi. Hillé, hillé, hillé, hillé, hey, hillé, hillé, hillé, hillé. C'est ahurissant. Pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter hillé, hillé, hillé, hillé. Luna Park est ma réserve de gaieté. Hillé, hillé, hillé, hillé. À tous les stands, je suis salué des patrons de l'œil. Garçon des filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Luna Park. Je suis quelqu'un, vive Luna Park et vive la joie. Flit, flit, flit, flit, flaptique. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mouvement poujadiste. Notre invité, Jean-Pierre Rioux, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la politique contemporaine et de l'histoire de la droite, que vous êtes l'auteur, notamment, du livre intitulé « Les populismes », publié aux éditions Perrin en 2006. Alors, le poujadisme est-il un populisme? Est-il même, pourrait-il même être d'ailleurs, une définition, sinon la définition du populisme? Je dirais que le poujadisme est le poujadisme d'abord. Donc c'est un populisme pardonnez, particulier. Voilà. Non, ce qui est frappant quand même dans cette affaire, effectivement, il y a un héritage, une tradition, une évolution de quelque chose que nous appelons aujourd'hui le populisme. Mmh. Très bien. Mais vous ne trouvez personne qui dans la rue vous dise « je suis populiste ». Certes. Les gens vous disent, j'étais poujadiste, ou mon grand-père était poujadiste, aujourd'hui je vote Front National, enfin que sais-je. Autrement dit, populisme est une notion compliquée, d'ailleurs pas si bien admise que cela par les spécialistes de sciences politiques. Est-ce que c'est un mot valise, un peu caméléon, n'est-ce pas? Faire semblant de servir le peuple tout en se servant du peuple. Absolument. C'est pas ça le populisme, tout absolument. Simplement. Alors, tout à fait. C'est le peuple à l'inconditionnel, le populisme. Le peuple ne peut pas se tromper. Et il faut constamment rafraîchir sa juvénilité et constamment le dispensant d'avoir recours à travers le suffrage universel, bien sûr, en le dispensant d'avoir recours à des élus, à des intermédiaires, à des parlements, et à des élites. Hein. Il s'agit, le populisme, c'est toujours la revanche du peuple contre les dirigeants, contre les élites, contre les élus félons, contre tous les ripoux, qu'ils soient entrepreneurs, élus, ou professeurs, ou que sais-je. Et donc, c'est le peuple inconditionnellement vécu. Bon. Alors, comment se situe le poujadisme? Alors, le poujadisme dans cet espace. Et je dirais, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, et le moment où expire une sorte de premier type de populisme, qui est le populisme de retrait, où des gens qui brusquement considèrent que leurs intérêts sont menacés, c'est tout simplement pour des commerçants, des artisans de l'UDCA dans ces années 50, le fait qu'en 1952, Antoine Pinet ait fermé le robinet de l'inflation, n'est-ce pas? Et l'inflation pénalise les vendeurs. Alors, elle peut favoriser les acheteurs et les emprunteurs, mais elle pénalise d'abord les vendeurs. Et donc, ils sont privés, je dirais, de la joie saine de faire valser les étiquettes, si je puis dire, et de jouer un peu la hausse des prix. Ouais. Et donc, la protestation qui peut se greffer aussi sur celle d'autres catégories sociales, bien entendu, et vous l'avez, ça a été dit tout à l'heure, l'été 1953, août 53, était un grand moment de grève de quantité de catégories. Donc, défense des intérêts, mise en situation de retrait, et puis nous allons enfin pouvoir revendiquer notre dû. Voilà. C'est un peu la démocratie du moi-jeu, déjà. Absolument. Ou du yaka. Alors, comme il y a des paysans qui s'y mêlent, je me demande si c'est une nouvelle jacquerie ou une révolte petite bourgeoise, ou les deux en même temps. Non, il y a eu un parallélisme certain sous la 4e comme sous la 5e République, d'ailleurs, entre des mouvements qu'on peut appeler populistes et qui touchent les classes moyennes, les commerçants, les artisans, et les bonnes vieilles jacqueries paysannes, n'est-ce pas, syndicalement encadrées ou non. Hein. Et donc, le mouvement Nicou, ensuite, a pu prendre le Sidunati, quelques éléments, quelques modes de manifestation puisés dans le poujadisme. C'est donc un temps fort. Il faut dire aussi que le poujadisme est vaincu parce que la 4e République s'est fort bien défendue. Enfin, quelqu'un qui va défendre cette 4e République qui est toujours piétinée parce qu'elle est morte du cancer algérien, tout le monde le sait, ouais. Mais ça n'est pas totalement, je dirais, de sa responsabilité directe. Bon, et si la question d'Algérie avait été gérée autrement, on pourrait imaginer que, etc., elle se serait maintenue. Bon, et donc la 4e a bien réagi. Avec deux... Un, on plie les Chines, le roseau face au vent plie. Mais n'auront pas. Nous faisons la réforme fiscale que nous demandent ces gens. Ouais. Hein, exo les polyvalents, on va améliorer les contrôles, on va dire que peut-être la réforme d'Antoine Pinet qui favorisait un peu, c'est vrai, les grands épargnants et les gros contribuables, on va peut-être ajuster tout ça, et ils le font. Deuxièmement, on va les piéger par le système parlementaire. Ouais. Et ça, on va leur offrir, il est vrai que la 4e République est un scrutin proportionnel à peu près intégral de liste, mais intégral, et donc là, on va bien voir quand les petits maçons seront au pied du mur. C'est-à-dire moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, exactement. Ouais. Et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure. Et ça marche. Ça marche. La division s'installe tout de suite. Ouais. Et donc, le contenu du mouvement, c'est filoche. Alors, dans la manière maintenant, nous on aime bien traquer les résonances dans cette émission, les résonances aujourd'hui des faits passés. Oui. Bon, ce que la définition de l'histoire, hein, on n'invente rien, mais bon. Oui. Dans la manière, l'action, la façon d'agir pour se faire entendre des poujadistes, est-ce qu'on peut dire que c'est le prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui la désobéissance civile? Je ne suis pas certain, parce que il y a quand même un jeu du chat et de la souris dans le poujadisme, avec l'institution elle-même, avec l'offre parlementaire qui lui est faite. Mmh. C'est peut-être un peu plus subtil que, je dirais, que l'opposition frontale. Non, je pense que ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que la tentation populiste, et Dieu sait qu'elle existe à l'heure d'aujourd'hui, a eu des modifications sociales, spatiales, culturelles, qui font que on arrive à des situations tout à fait inédites. Le poujadisme ne pouvait porter que du poujadisme, pour dire vite. Ouais. Ce qui est nouveau. On ne peut pas porter un projet global politique. Voilà. C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui est nouveau, c'est que, pour dire les choses comme elles sont, pour l'essentiel, le Front National d'un côté et dans des proportions moindres, une ultra-gauche qui peut avoir des relents poujadistes et protestataires, sont capables de rassembler au-delà de leurs propres idéaux. Parce qu'il y a du recrutement social, géographique et culturel. Hein. Mais ça sous-tend l'idée qu'il y a un projet politique global. C'est-à-dire au-delà, au-delà du combat particulier qui est mené. Mais ça donne un populisme beaucoup moins idéologisé que, je dirais, les quelques experts de l'UDCA qui se mettent à s'enticher de l'Algérie française, ouais. Ou les jeunes Jean-Marie Le Pen qui arrivent avec leurs idées d'extrême droite ou vichysoises, hein, et qui très vite abandonnent. Mais non, ou Tixier Vinancourt, n'est-ce pas ? Non, aujourd'hui, c'est moins idéologisé, c'est beaucoup plus ramasse-tout en termes social, géographique et culturel. C'est l'identité, c'est les territoires perdus face aux grandes métropoles qui continuent à avoir un dynamisme, et c'est classe moyenne et classe populaire qui s'estiment déclassées. Est-ce que c'est un refus de la modernité et de l'évolution ? Alors c'est possible, parce que ça se passe dans une situation de crise où la question de modernité progressiste, et Dieu sait qu'elle avait été essentielle sous la 4e République, et réussie sous la 4e République, n'a plus tout à fait cours, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a là, et effectivement, une évolution du mode d'action populiste, à la fois parce que les conditions économiques et sociales ont changé, c'est le moins qu'on puisse dire, que la globalisation est là, et parce qu'aussi, il y a désormais un rapport beaucoup plus apaisé à l'institution républicaine. Alors, c'est celle de la 5e République, nous sommes d'accord, et non pas la 4e, qu'on pouvait estimer. Et encore pire, la 3e, nous sommes pas dans la gueuse contre... Voilà. D'accord. C'est une 5e en délicatesse aussi, ce qui fait que on peut tenter de s'installer à peu près confortablement dans son... quitte à proposer, comme le fait actuellement Marine Le Pen, la proportionnelle intégrale, une fois qu'on sera arrivé au pouvoir, mais par l'élection présidentielle. Alors, on va revenir aux résonances d'aujourd'hui, peut-être l'héritage. Juste encore deux ou trois petites questions sur la période du mouvement poujadiste. On est quand même, il faut le rappeler, on n'est pas dans une situation de crise économique, c'est tout le contraire. On est dans les 30 glorieuses, il y a de la croissance, ça va. Oui, les 30 glorieuses prennent leur élan, la modernisation du pays et l'aménagement du territoire vont commencer très tôt, n'est-ce pas, de 1956, la première réforme régionale. Autrement dit, l'accusation de contre Paris, au poste de commandement, toujours, les élites parisiennes, elles sont pas encore de énarchiques ou de l'ENA, mais elles commencent, ça existe. L'accusation devient plus compliquée, parce que la 4e République est en train de fabriquer, par exemple, du notable local, du pouvoir périphérique, comme on dira sous De Gaulle, peut à la fois occuper les places et mener les choses très confortablement. Avec notamment un relais au Sénat. Exactement. Bon, la pérennité du Sénat, maîtrise des conseils généraux et du département, et puis la région qui devient une solution aménageuse, mais tout à fait sans passion encore, très technocratique et très très efficace sur le fond aussi. Et donc là, on a une France qui a un élan modernisateur incontestable, géré par l'État. Puis avec des bons relais régionaux, qui fait que évidemment, au fond de s'insérer, les choses deviennent tout à fait douteuses, difficiles à appréhender, et on se pose d'abord comme victime plus que participant à la modernisation du pays. Et on se pose comme victime de l'impôt. Il faut bien qu'on en parle. Ça, c'est quand même l'impôt, c'est le cheval de bataille, hein, c'est la colonne vertébrale du poujadisme. C'est vrai, et je dirais de tout populisme dans l'histoire française, sans remonter, je dirais, à l'émeute antifiscale d'Ancien Régime. Ouais. Enfin, c'est une constante, disons, des 3 ou 4 derniers siècles de notre histoire de France. C'est l'impôt qui brusquement cristallise tous les mécontentements, la meilleure partie ou la pire partie, excusez-moi, des mécontentements sociaux, régionaux, économiques et culturels. Et c'est contre l'État oppresseur, plus que contre l'État guerrier, n'est-ce pas ? C'est la fiscalité. N'est-ce pas ? Alors, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que le Front National d'aujourd'hui, si tant est qu'il soit un héritier plus ou moins cousin lointain des poujadistes, le Front National a connu son avènement en période de crise, alors que le poujadisme connaît son avènement en période de croissance. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il y a une autonomie du politique, du fiscal, du rapport entre Paris et la province, qui dépasse largement la fluctuation et la conjoncture économique. La preuve. La preuve. Alors, il y a eu la conquête de l'Assemblée. Donc on a dit qu'effectivement, c'était la mauvaise stratégie par excellence. Rupture entre un mouvement social et politique qui devient politique. Et c'est là qu'arrive notamment Jean-Marie Le Pen, en tant que député. On va écouter une archive ensemble. C'est Pierre Poujade qui parle et qui raconte comment il a recruté celui qui allait devenir, alors pour le coup, le plus jeune député de France. Absolument. Et qui allait, après une traversée du désert, faire la carrière politique que l'on sait. Lorsque j'ai constitué les listes en catastrophe, j'avais que mes hommes, c'est-à-dire des boutiquiers. Et donc, on s'est dit quand même, il faudrait quand même avoir autre chose que des crémiers, des mécanos, des bouchers. Non pas qu'on trouve ça, mais ayant conscience que pour la propagande, c'était gênant. Donc, on a accroché le docteur Courrier, qui est un homme charmant, qui est mort, qui était dans l'Aube, qui a été élu d'ailleurs dans l'Aube. Et puis, comme j'étais en relation avec les organisations d'anciens combattants d'Afrique, n'est-ce pas, et vous savez que présidait Salan, rue de Naples, et le secrétaire général m'appelle un jour, il me dit, tiens Pierre, on a 2 jeunes officiers qui nous arrivent d'Indochine, des types formidables. Ah ça, dis donc, toi qui cherches des candidats, il faudrait que tu les connaisses, etc. Bon, moi je fais la connaissance de Le Pen et de Barquet. Effectivement, et excusez-moi de le dire, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils avaient une gueule terrible, ils me manifestaient des sentiments absolument fraternels, ils déclaraient être dévoués corps et âme. Le Pen dans ses discours, n'est-ce pas, moi j'étais Jeanne d'Arc, j'étais du Guesclin, j'étais tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas. Maintenant c'est lui, hein. Mais il se le dit comme ça, ouais. Je fais une petite tournée avec eux pour leur faire voir un petit peu ce que c'était qu'ils ont fait des meetings, n'est-ce pas, pour voir un petit peu ce que c'était que le mouvement, et paf, et je les parachute comme député, comme candidat. Bon, il y a dans le ton de Pierre Poujade, il y a presque quelque chose du domaine du jeu, dans sa façon de parler, dans sa façon d'expliquer sa percée, le sens de son action, comme une sorte de provocation, presque un jeu sans un enjeu, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, les méridionaux ou les occitans diraient il y a de la tchatch toujours ouais. chez il est sincéré, hein, il en a l'accent hein, de ouais. surcroît, et il y a toujours moi je ça a toujours un côté conversation le soir sous les platanes, n'est-ce pas, ou après la partie de pétanque hein, mm-hmm. il faut bien voir ça. Il l'a d'ailleurs beaucoup cultivé, et après le retirer des affaires il l'a cultivé encore davantage. Je reste l'homme un peu rocailleux mais très proche de la terre. Vous savez qu'il a beaucoup fait ensuite dans les tentatives avortées pour faire de l'essence avec de la betterave, n'est-ce pas, ça a été son grand cheval de bataille final. Bon, il y a du moi-je parce que je suis un, au fond un petit coq gaulois toujours. Et alors, tout renfort est bienvenu. Et vous avez vu combien il prend aussi éventuellement Jean-Marie Le Pen avec quelques pincettes hein, dans l'entretien oui. qu'on vient d'entendre. Mais enfin, Le Pen, c'est important parce qu'il est jeune, il sort du mouvement étudiant, je dirais, d'extrême droite, de la corpo de droit ou d'un certain nombre d'étudiants de droit. Il a ses terrains d'aventure de jeune officier en Indochine, en Algérie, et cela suffit à booster un peu, je dirais, l'espèce de clapoutis poujadiste qu'on pouvait trouver chez Jean-Marie Le Pen au départ. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement poujadiste est un mouvement d'extrême droite ? Les mots ont un sens, et surtout en politique et en histoire. Je dirais que c'est un mouvement subversif et il est si peu d'extrême droite qu'il a bien dû avoir recours via l'Algérie et la cause de l'Algérie française, mais in fine, à la fin, au moment où il a déjà basculé, hein, parce que la République s'est défendue et que ses revendications ont été honorées, a répondu aux questions qu'il posait, voilà. Je dirais subversif, il est très difficile d'admettre qu'avec beaucoup de bonnes âmes et de bonne conscience, on puisse qualifier le mouvement Poujad de mouvement fasciste, hein, comme ça a été fait, comme oui. ça a été fait. Et que c'est de langage, bien sûr. On retrouvera les mêmes questions à propos du Front National plus tard. Mais d'extrême droite, oui, par contagion, mais pas, je dirais, ontologiquement. Que restait-il du poujadisme dans le Front National de Jean-Marie Le Pen ? Je dis bien de Jean-Marie Le Pen. Difficile à dire, parce que les modes d'intervention ont changé, n'est-ce pas ? On peut toujours faire des meetings tricolorisés, bon, mais enfin, ce qui compte aussi, c'est la sono, l'après, c'est très différent. La médiation a changé, hein, de nature. Mais il peut y avoir toujours, je dirais, quelques héros éponymes communs, Jeanne d'Arc, du Guesclin, que sais-je, hein, bien sûr. Il peut y avoir un peu de coq gaulois toujours à l'horizon, certes, mais je pense que les traces de poujadisme dans le mouvement de Front National première manière, c'est difficile. C'est plutôt, alors là, pour le coup, l'extrême droite constituée, avec son idéologie, ses divisions, mais aussi son rapport à la Seconde Guerre mondiale, son rapport aux années 30, son rapport à une certaine vision, non pas nécessairement anti-républicaine, mais à une certaine vision d'une république dont il faut constamment nettoyer les écuries, n'est-ce pas, parce que c'est constamment souillé. Là, c'est vraiment d'extrême droite, c'est toujours prenons d'assaut le palais Bourbon par le pont de la Concorde, comme en 1934. Est-ce qu'il y avait dans la déclaration de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne en 2007, il parlait de la France qui se lève tôt. Est-ce qu'il y avait quelque chose de néo-poujadiste là-dedans? Et voire inconscient d'ailleurs. Oui, c'est probablement inconscient parce que, justement, les poujadistes sont des commerçants, des artisans. Alors, je dirais qu'ils se lèvent encore plus tôt que les salariés et les ouvriers. Oui. Donc là, on peut nuancer, je pense. Alors, pourquoi, dernière question, il nous reste 45 secondes, le poujadisme ne survit-il pas à la Ve République ? Est-ce que j'imagine que c'est pas un hasard qu'il tombe au moment où la Ve arrive ? D'abord parce que, je dirais, le général de Gaulle, qui avait, non pas de la tendresse, mais enfin qui regardait ça avec un œil assez amusé, finalement, a su jouer admirablement au chat et à la souris avec Pierre Poujad, n'est-ce pas, hein, en lui tapotant l'épaule tout en prenant ses distances. Ça a été très bien joué de part et d'autre. Poujad ne rêvait que de conquérir de Gaulle. Après tout, ce sont les deux seuls hommes dans ce pays qui ont accouché d'un isme, n'est-ce pas ? Il y a peut-être un giscardisme, mais enfin, bon, un sarkozisme, certes, mais enfin, les deux grosismes majeurs, oui, c'est gaullisme et poujadisme, hein, ouais. Donc, finalement. Parce qu'il y avait du tribun, il y avait du leader, et il y avait, non pas du populisme, mais il y avait une capacité à dépasser les affrontements à l'ancienne, à dépasser l'affrontement droite-gauche tel que... Bon, et tout ça dans un système qui conservait de la souplesse d'adaptation, et qui savait répondre aux questions. C'est ça. Le populisme n'a pas de vertu en lui-même. Oui. Pas. Il ne vaut que par, les réponses que le système lui apporte. Ou alors c'est celui qui pose les bonnes questions mais qui apporte les mauvaises réponses. Comme disait Laurent Fabius. Comme avait dit Laurent Fabius du Front National, ça lui a été reproché d'ailleurs. Oui, hein, bien sûr. Mais ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux, mais quelquefois on dit des choses vraies mais qui entrent dans le domaine des paroles malheureuses, même quand c'est pas faux. Mais ça arrive. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rioux. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le poujadisme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le dossier des algues vertes.